réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Réserve ce jour qui se lève, ce mercredi 2 septembre 2015. Quelle émotion, quelle rencontre. Un autre jour est possible, mais bien sûr, comme dans un roman, comme au cinéma, comme dans la vie de tous les jours. Bonjour. Au programme de notre réveil culturel de 30 minutes, tête chercheuse, depuis lundi, Guillaume Lebeau nous explique les raisons du succès mondial de la série Millennium. En deuxième partie, en compagnie du réalisateur Denis Arcand, nous parlerons de la rentrée cinéma. Mais tout de suite... 3-0-1-7-3. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné... Millennium, autopsie d'un succès planétaire. Bonjour, Guillaume Lebeau. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des personnages de cette saga, de cette trilogie, de cet univers particulier. Les personnages de Millennium sont la clé, en fait, pour comprendre à quel point Millennium, finalement, ne tiendrait pas si Lisbeth Salander, avec ses bras musclés, ne le tenait pas de toutes ses forces. Les personnages, c'est la grande invention et certainement la grande preuve du génie littéraire de Stieg Larsson. Il a réussi finalement à construire un univers autour de deux personnages forts et en y injectant à peu près une centaine de personnages secondaires. Autant dire qu'il a créé un univers qui est plus proche de celui des séries télévisées que de celui d'un roman classique. Un roman classique, un roman policier classique, en règle générale, c'est un enquêteur qui est confronté à un tueur, un assassin, un voleur ou un groupe de voleurs, un groupe de tueurs. Il est généralement assisté d'un inspecteur, ça va faire une dizaine de personnages au maximum, une quinzaine pour arrondir. Là, dans Millennium, on est très clairement face à une débauche de personnages. Et pourtant, on ne se perd jamais. Même si les noms à consonance suédoise pour les lecteurs français ont pu dérouter. Ou du monde, parce que c'est un succès planétaire. Voilà. On ne se perd jamais, et surtout, chaque personnage a sa consistance propre, à sa tessiture, à sa voix, à sa place. Chaque personnage est un rouage qui, permet à l'intrigue de non pas s'étoffer, mais de se développer. Les personnages ne sont pas là pour faire de la figuration. Chaque personnage, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir pléthore de personnages qui ne servent à rien. Chaque personnage a son utilité dans l'intrigue. Alors justement, Guillaume Lebeau, puisque vous parlez de l'art et la manière d'écrire de Stieg Larsson, on sait que cette série Millennium a été publiée d'abord en Suède, entre juillet 2005 et mai 2007. Vous avez parlé de la vie de Stieg Larsson hier. Est-ce que on peut parler d'influence dans son écriture, ou est-ce qu'on peut reprendre ce que vous venez de dire, à savoir que les séries télé se rapprochent le plus de l'univers de Stieg Larsson? Alors les influences de Stieg Larsson concernant son écriture, elles sont très simples à trouver. Il les cite dans son corpus. Hein. On les a en fait alignées dans la bibliothèque du chalet de l'île des Débits, et dans cette bibliothèque se trouvent en fait les grands romans que Stieg Larsson souhaitait souhaitait rendre hommage. Ce sont quasiment tous des anglo-saxons. Pourquoi ? Et simplement parce que en Scandinavie, la sphère scandinave est imprégnée en fait de littérature, de la littérature anglo-saxonne, et cette littérature en fait, elle est à la base de la création littéraire de Stieg Larsson. Il est influencé par Val McDermid notamment, par Agatha Christie, indéniablement, en tout cas dans le premier volume. C'est très clairement ces auteurs qui lui font prendre conscience qu'il est face à un choix littéraire qui est celui de « je reste un auteur suédois, mais j'utilise la grosse mallette à outils que me donnent les anglo-saxons qui savent si bien écrire de la littérature criminelle et policière, ou alors je délocalise tout ». C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis plus suédois, je vais écrire un roman à la manière d'eux et je vais le délocaliser à New York, à Los Angeles, à Londres, pourquoi pas à Paris. Mais que je sois suédois, c'est plus la chose importante. Il a l'intelligence de dire je suis suédois, je reste suédois, donc je vais garder en fait tout ce qui fait ma spécificité suédoise, mais par contre, je vais aller piocher dans la grande mallette à outils du storytelling anglo-saxon. Je sais qu'ils savent très bien raconter des histoires, donc ils ont des outils à ma disposition, je vais aller les prendre, mais par contre je vais rester dans le terroir suédois, dans la culture suédoise, et je vais mixer les deux. Et je crois que c'est ce mixage-là qui fait qu'il arrive à non plus être un écrivain influencé par les anglo-saxons, qu'il n'est pas non plus un auteur 100% suédois, comme pourrait l'être selon moi Mankell. Henning Mankell est pour moi, et c'est mon jugement personnel, un écrivain qui est quasiment 100% suédois, même s'il s'en défend. C'est pas le cas de Stieg Larsson. Stieg Larsson, c'est un auteur anglo-saxon, mais qui a eu l'intelligence de garder, en fait, tout son background suédois. Et c'est ça qui fait que dans les personnages, dans sa capacité à construire les personnages, on retrouve, en fait, des techniques de caractérisation qui sont propres, en fait, au storytelling anglo-saxon. Mais on retrouve aussi cette volonté qui vient des sagas islandaises, de n'oublier personne dans le microcosme qu'on est en train de développer. Et c'est là, c'est cette raison qui fait qu'on est face à une multitude, une débauche de personnages, mais qui servent l'intrigue. On n'est quasiment jamais perdu. Les seules remarques qui sont faites, c'est souvent, voilà, c'est les noms de famille, on a un peu de mal, mais on n'est jamais perdu parce que chaque personnage a son utilité. Après, la grande invention, c'est ce duo, voilà, c'est Mikael Blomqvist et Lisbeth Salander, et le grand trait de génie, c'est d'avoir inversé les polarités, d'avoir fait de Mikael Blomqvist une espèce de bimbo inconséquente avec une vie légère et des mœurs légères, et de Lisbeth Salander eh bien un héros quasi testostéroné et capable de faire le coup de poing, capable d'assumer sa vengeance. Ça, c'est la grande invention, et c'est d'ailleurs ce qui fait de Millennium une espèce de pivot dans les littératures criminelles et policières internationales. Je pense que c'est un pivot parce que c'est l'une des premières fois où on inverse en fait cette polarité. Et beaucoup aujourd'hui d'auteurs reconnus dans le monde, d'auteurs de polar ou de thriller dans le monde, reconnaissent l'influence qu'a eu Millennium sur leur nouveau modèle d'écriture. Millennium, Allah. BAJ 32027. Det finns inget svar. Det enda du åstadkommer är att hålla Henriks besatthet vid liv. Oh, helvete. Bosch. Han har hackat sig in i min dator. Någon som heter Bosch. La nouvelle est tombée il y a quelques instants. L'industriel Martin Wanger, PDG du groupe Wanger, s'est tué cette nuit lors d'un accident de voiture à Edelstadt où il résidait. Alors qu'il était seul dans sa voiture, il a subitement quitté la voie de droite pour percuter un camion qui venait en sens inverse. Salut. Selon Salut. Les spécialistes économiques, j'ai dormi longtemps. J'ai pas calculé. Mais je pense que t'aurais pu mieux faire. Rien qu'à Edelstadt, plus de 3000 des 24 000 habitants sont en. Comment tu te sens? Je crois que je suis encore en état de choc. Il y a une espèce de redynamisation en fait suite à Millennium, et beaucoup d'auteurs de polar se sont dit mais nos personnages ils étaient bien trop clichés avant, ils étaient bien trop attendus. Effectivement, Stieg Larsson, il a eu le culot de nous surprendre et de faire de Mikael Blomqvist finalement là où on attendait le journaliste infaillible, sûr de lui, qui avec une espèce de rigueur et d'en faire quelqu'un qui a une vie tout à fait légère, qui est pas vraiment sûr de lui, qui est capable même d'avouer son désarroi, d'avouer ses faiblesses. et puis de faire de Lisbeth Salander qu'on attendait, elle. Alors Lisbeth Salander, normalement, dans les schémas classiques, elle aurait dû être... C'est Michael Blumvis qui devait la défendre, qui devait la sortir de là. Elle s'en sort toute seule. Elle s'en sort sans Michael Blumvis. Ça aussi, c'est une... Alors, c'est très scandinave, je vous l'accorde. C'est vrai que la sphère scandinave a depuis longtemps fait son travail sur le rôle de la femme dans la société. Mais il n'empêche que c'était la première fois que dans le polar, on trouvait une caractérisation féminine aussi forte et aussi déstabilisante. Donc, les personnages dans Millennium sont évidemment des clés. Ils ouvrent des portes. Pour comprendre le monde ou pour comprendre Stieg Larsson, qui est tout à la fois la femme et l'homme, l'héroïne et le héros. Alors, vous avez raison de dire que Stieg Larsson est à la fois une femme et un homme. Je pense que, comme beaucoup de Scandinaves, il a compris qu'en fait, se tenir à une théorie des genres qui voudrait que la société ne se compose d'hommes qui sont des hommes et de femmes qui sont des femmes, c'était, ma foi, un modèle qui avait vécu, puis qui surtout voulait pas dire grand-chose. Stieg Larsson, effectivement, avait une part de féminité, indéniablement, et c'était un grand féministe qui a d'ailleurs levé la voix et écrit des livres sur cette cause. Ce qui agrémente le plaisir, c'est que cette part de féminité, on la retrouve beaucoup plus dans le personnage masculin, c'est-à-dire Michael Blomqvist, que chez Lisbeth Salander. Ah, complètement. Et Michael Blomqvist est vraiment ce Suédois libéré, qui peut se comporter comme un homme objet. Comme un homme sans lettre. Sans lettre, parce qu'il domine totalement son sujet. C'est simplement que les mœurs sont beaucoup plus libérées en Scandinavie. On a une approche de la séduction qui est complètement différente de la séduction latine. La femme peut y être proactive sans que ça pose un souci. On peut avoir même plusieurs aventures sans que ça soit un problème pour son aventure principale. Le modèle scandinave en termes de relations homme-femme est vraiment à 100 000 lieu de notre modèle à nous. Et c'est vrai qu'il a réinjecté en fait ce modèle-là dans Millennium, et ça crée une espèce de dynamique qui est intéressante, puisque à chaque fois qu'on attend finalement les clichés de cette littérature-là, on est très déçu, puisqu'on les a pas, on les trouve pas. Et donc du coup, on est surpris. Et quand on est surpris en littérature, c'est gagné. C'est-à-dire que si on arrive à surprendre le lecteur, on le force à avancer dans l'histoire avec nous. Et très clairement, Stieg Larsson arrive à nous emmener dans l'histoire grâce à ces personnages et au caractère surprenant de ces personnages. Quels sont les autres personnages secondaires en dehors de Lisbeth Salander et de Michael Blomqvist? Alors, la liste est très longue. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'il fallait s'attarder sur les méchants. Puisque une bonne histoire, c'est un bon méchant. Il se trouve que, en l'occurrence, il en invente plusieurs. Il invente le tuteur de Lisbeth Salander, qui est donc censé la protéger et qui va faire ce qu'on appelle un but de faiblesse et la violer. Il invente cet ignoble savant fou qui est Téléborian, qui va essayer de contraindre psychologiquement Lisbeth Salander. Il invente son terrible papa qui va aller jusqu'à l'enterrer vivante, et son grand frère, le géant blond, qui est une espèce de tueur sorti d'un slasher américain type Vendredi 13. Il y a toute une galerie de méchants. Et là encore, ce qui est étonnant et surprenant, c'est que là où on attend généralement un méchant, ça suffit bien. Eh bien non. On déploie la méchanceté, on la diffracte et elle offre mille et une facettes. Alors j'oubliais évidemment le tueur de femmes, qui est ce psychopathe qui est le plus attendu parce que il répond à un profil finalement de tueur en série plutôt classique, plutôt américain. Mais encore une facette du mal. Et il y a cette volonté d'explorer en fait le mal sous toutes ses facettes. C'est-à-dire de dire, voilà, le mal, c'est pas simplement une incarnation. Elle est multiple. Il a plusieurs visages, le mal. Donc je vais faire en sorte de découper en plusieurs personnages. Et là où on a, encore une fois, l'habitude d'avoir un méchant, ou deux, on se retrouve avec une multitude en fait de grands méchants dans cette série Millennium. Ça aussi, c'est une grande intelligence en fait, et ça rejoint ce qu'on disait précédemment. Ça rejoint cette volonté aussi d'analyser le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde qui est plus aussi simple que on a pu vouloir le voir jusqu'à maintenant. C'est plus 0 ou 1, c'est 0,1, 0,001. Il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances dans le bien, mais il y a beaucoup de nuances dans le mal. Et c'est peut-être aussi donc cette lucidité qui le pousse à finalement offrir à travers ses personnages toutes les facettes de cette société moderne. Merci Guillaume Lobo. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Mystère, du quatrième manuscrit, et de Stieg Larsson avant Millennium. On se retrouve demain, et demain on parlera de Millennium sans Stieg Larsson. On va s'énerver demain peut-être. Un petit peu, certainement. À demain Guillaume Lobo. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Tous les mercredis, c'est l'actu cinéma en deuxième partie de l'émission Un autre jour est possible. Le mercredi, car c'est le jour de sortie des nouveaux films. Mais tout cela est en train de changer. Signe des temps, mon premier invité cette année est un cinéaste connu et reconnu. C'est le cinéaste québécois Denis Arcand. Et son dernier film, Le règne de la beauté, sort non pas aujourd'hui, mais demain, et pas en salle, directement sur la toile, une sortie e-cinéma. C'est encore exceptionnel aujourd'hui, mais on sait que cela va devenir la règle dans quelques temps. Dans un instant, au téléphone, okay, en direct de son beau lieu de villégiature du Canada de francophone, Denis Arcand, dans Un autre jour est possible. T'as peut-être pas le tempérament pour être un non-genre. Bonjour Denis Arcand. Bonjour. Est-ce que ce film, Le règne de la beauté, a été conçu pour une sortie e-cinéma, comme on dit, c'est-à-dire directement sur la toile, ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas songé vraiment. Quand je fais des films, c'est rare que je songe à leur diffusion. C'est peut-être un défaut. Mais je sais que, par ailleurs, moi-même, en tant que consommateur de films, si vous voulez, en tant que cinéphile, je vois de plus en plus de films chez moi parce que j'ai un grand écran, parce que je suis paresseux et parce que c'est extraordinairement commode de pouvoir regarder ça chez soi. Et donc, c'est probablement un signe des temps que je vis moi-même dans ma vie quotidienne, parce que maintenant, je vais au cinéma que une ou deux fois par année, vraiment. Alors, je suis un mauvais client pour mon propre métier, si vous voulez. Mais je crois crois que l'avenir, c'est vraiment ça, c'est les grands écrans chez soi. Moi, j'ai un écran assez grand et le son est merveilleux et c'est parfait d'avoir ça chez soi. Oui, mais parce que vous vivez dans un grand pays avec des grands espaces, des grandes maisons, des grands appartements. Non, je voulais juste vous poser une question, Denis Arcand, avant de parler du film, Le Règne de la Beauté. Ça a été voulu, cette distribution particulière, c'est-à-dire cette sortie directement sur la toile, ou c'est faute d'avoir trouvé un distributeur plus classique Ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui me mêle de distribution. Il y a un distributeur général qui a les droits mondiaux du film, mais je pense que ça dépend des pays. Il y a des endroits où c'est dans des salles et... À ce que je sache, la France, c'est la première fois où le film est directement mis à la disposition du public via la toile, si vous voulez. Mais j'en sais pas plus long, là, c'est pas moi qui fais ces négociations-là. En tout cas, ça vous pose aucun problème? Non, pas du tout, parce que je vois moi-même la majeure partie des films que je vois chez moi. Vous n'êtes pas du genre à regretter la salle de cinéma, Denis Arcand, vous qui avez vécu aussi cette période et intensément? Oui. Oui, absolument, mais non, pas du tout. Moi, je suis pas nostalgique du passé du tout. Comme je suis pas nostalgique non plus de la pellicule, ce film-là et le film précédent ont été tournés avec des caméras digitales. Et moi, je trouve que les images sont aussi belles, sinon plus belles qu'autrefois. Et en plus, pour moi. Moi, j'ai commencé à aller au cinéma. J'allais dans un collège qui avait où on avait congé les mardis et jeudis après-midi. J'allais toujours au cinéma et j'étais généralement seul dans la salle. Et donc, pour moi, le cinéma, ça a toujours été une sorte de plaisir solitaire, si vous voulez, que j'ai vu seul et que j'allais rarement au cinéma, si vous voulez, avec des copains ou en bande le samedi soir. Et c'est un spectacle que je voyais seul et donc que je continue à voir seul et qui... Donc, ça, je ne suis pas dérouté, si vous voulez, par ces nouvelles tendances-là. Alors, on parle de la beauté dans votre film. D'ailleurs, ça s'appelle Le Règne de la Beauté. Beauté des paysages, puisqu'on n'a jamais vu des paysages aussi paradisiaques. Vous filmez très bien cette merveilleuse région de Charlevoix au Québec. La nature, pour une fois, on peut dire que la planète va bien en voyant votre film, Denis Arcand. Oui. Mais aussi la beauté de la jeunesse, parce que c'est une chronique d'une jeunesse d'ailleurs assez aisée. Hein. Le personnage central de votre film est jeune, brillant architecte, plutôt beau gosse, il s'appelle Luc. Et on va suivre, j'allais dire, une vie amoureuse qui va s'étaler sur une quinzaine d'années, on peut dire ça. Même si c'est pas très précisé. Si on veut, en fait, le gros de l'action, ça se passe en 6 mois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va en voyage à Toronto, ce qui est assez loin de la région de Charlevoix, et qui a une aventure avec une autre femme. Mais c'est ça qui constitue un peu le centre dramatique du film, si vous voulez. Bien qu'après, on voit surtout comment cet amour parallèle ou cette aventure va évoluer avec le temps, quelles traces elle laisse. Est-ce que aujourd'hui, avec Internet, tout le monde va réussir à trouver l'âme sœur à coup sûr? Nous, on travaillait toutes les deux dans le même hôpital, l'Enfant Jésus à Québec. Vous êtes partie de la même équipe de tennis à l'université. Tu frappes toujours aussi bien la balle, hein, mon grand garçon. Ah ouais. Aussi ma jolie fille. Que voulez-vous dire par ce dispositif amoureux, Denis Arcand? Mon intention première, si vous voulez, c'était de décrire la vie dans mon pays. C'est une chose assez délicate à faire et qui est assez compliquée parce que le Canada et le Québec, qui fait partie du Canada, si vous voulez, est le pays le plus paisible au monde. Dans toute l'histoire du monde, il n'y a pas de pays plus paisible. C'est un pays qui n'a jamais connu de guerre, qui n'a jamais connu de révolution, qui n'a jamais connu de gouvernement de gauche ni de gouvernement de droite, et où le seul événement dans la vie des gens, très souvent, c'est l'arrivée de l'hiver et le départ de l'hiver. C'est pourquoi le film est collé sur les saisons, si vous voulez, sur l'arrivée de la neige, la disparition de la neige, etc. Et je décris la vie de gens qui ont une vie extraordinairement paisible et dont Et qui sont gâtés par la nature, hein. Il n'y a pas que seulement la nature qui est mise en vedette. Eux-mêmes, ils sont gâtés par la nature. Eux-mêmes, ils sont gâtés par la nature. Ils sont gâtés par son métier aussi, parce que c'est un architecte qui est c'est un très beau métier. Brillant architecte, ouais. Oui, c'est ça. Mais au départ, au moment où le film se déroule, si vous voulez, il n'est pas, sa brillance, si vous voulez, n'est pas si reconnue que ça. Il ne construit qu'une maison pendant le passage du film. Il a un seul client, donc ce n'est pas encore un star architecte, comme on dit aujourd'hui. C'est pas une super vedette, mais c'est quelqu'un qui a du talent et qui va éventuellement réussir. Mais sa vie se déroule sans grande anicroche, si vous voulez. C'est toujours un espèce de grand défi d'essayer de faire un film sur une situation comme ça. Et c'est le défi qui se pose souvent aux créateurs canadiens et québécois, si vous voulez, parce que nous n'avons pas la guerre du Vietnam, nous n'avons pas la guerre en Afghanistan. Songez au nombre de films américains qui ont été faits sur les guerres que poursuit l'Empire américain, si vous voulez, ou le nombre de films qui ont été faits en France. Oui, on voit bien, mais on est un tout petit peu dérouté de Niarchan, c'est-à-dire que d'abord on est frappé par la beauté des paysages que vous filmez d'ailleurs très bien, et puis ensuite nous sommes un peu déroutés en voyant ces jeunes gens qui sont tout à la fois beaux, qui ont du goût, qui ont un beau métier, qui vont s'aimer, qui restent donc dans l'amour. On est un peu dérouté parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un grain qui vienne déstabiliser cet équilibre harmonieux entre eux et leur partenaire amoureuse, entre eux et la nature qui est très belle. Mais non, rien n'arrive, sinon oui. Un léger regret d'avoir peut-être eu une aventure. Et on ne sait pas d'ailleurs si le héros regrette cette aventure passagère, ou s'il incarne quelque chose, un homme de 100 ans qui n'est pas du tout concerné par tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'il l'est, mais c'est tellement loin. Vous savez, il y a une phrase de Borges qui dit « Le Canada est tellement loin qu'il n'existe presque pas ». Sauf que vous avez cité Chateaubriand pour oui, votre ça, c'est film. Autre chose, oui, absolument. Donc c'est aussi ça, c'est un peu un film sur l'immobilisme. Et c'est très très difficile à cerner ce genre de choses. Donc je voulais justement faire un film qui s'éloigne du cliché habituel qui finit par un meurtre ou par une douleur insupportable ou le héros romantique, etc., est au bord du suicide et tout ça. J'avais envie vraiment de faire quelque chose où les événements sont à peine esquissés, c'est presque un filigrane. Parce que ça me semblait ça correspondre à la réalité. À la réalité qui m'entoure, la réalité que je vois, dont je suis témoin dans mon pays, si vous voulez. Alors, s'il fallait reprendre juste la citation de Chateaubriand, puisqu'il y a quelques scènes que vous tournez à Paris, la consécration de Luc le jeune et brillant architecte se fait à Paris, donc quelques scènes se tournent à Paris, comme en contrepoint au paysage paisible, loin des bruits du monde du Canada et de cette région qu'on a envie de visiter, la région de Charlevoix au Québec. Quelle était donc cette citation de Chateaubriand, de Niarchan, que vous utilisez pour le règne de la beauté? Je ne me souviens plus exactement, c'est qu'il parle de cette époque où l'amour est à la fois un ciel et un enfer. Entre ciel et enfer, s'il fallait reprendre votre citation de Chateaubriand pour votre film Le règne de la beauté, l'amour, c'est quoi? C'est le ciel ou c'est l'enfer quand on est... C'est les deux, exactement. C'est ça nous plonge dans des délices absolus, mais enfin dans des angoisses totales, etc. Donc c'est la jeunesse. Le règne de la beauté de Denis Arcan, sorti en e-cinéma dès demain jeudi. Et demain, on se retrouve à la même heure pour votre réveil culturel quotidien avec notre série consacrée à Millennium. Et en deuxième partie, l'auteur de Millennium 4, David Lagercrantz, pour Ce qui ne me tue pas. Et vous-même, êtes-vous fan ou pas de ce Millennium non écrit par son géniteur Stieg Larsson? Êtes-vous normalement déçu ou exceptionnellement surpris? Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux habituel pour poursuivre le débat. Bonne journée, bonne rentrée en compagnie de France Culture et à demain.